Autant en emporte le The Event, chapitre 4, les larmes de la trahison. Maman pleurait toutes les larmes de son corps musculeux. Il ne pouvait croire qu'Alpha Caste et Patrick Balkany entretenaient une relation secrète depuis tout ce temps. Comment Alpha Caste avait-il pu pénétrer dans les entrailles des plus hautes sphères de la politique française du 92? Comment pouvait-il lui faire ça, à lui? Ah, le salaud! Maman sécha ses larmes et se regarda dans le miroir avec résignation. Je devrais lui avouer mes sentiments? Ça y est. Maman admettait enfin son amour envers son collègue streamer, champion d'Overwatch et dieu de Beat Saber. Oh pardon. Ces dernières années, son cœur n'avait cessé de balancer entre Patrick Balkany et Alpha Caste, et parfois un peu Cyril Ferraud de France 3, mais c'était surtout des phases lorsqu'il buvait un peu trop de Jack Daniels, sa boisson alcoolisée préférée. Décidé, Maman sortit des chiottes dégueulasses réservées au petit personnel de la mairie de Levallois-Perret dans le 92. Il se dirigea vers le bureau du maire où se tenaient le maire et tous ses amis streamers, et Juice. En mettant sa main sur la poignée en corne de rhinocéros du bureau, il fut pris d'une hésitation, mais se dit que c'était le moment ou jamais. Il ouvrit la porte et quelle ne fut pas sa stupeur. Alpha Caste habillé comme Patrick Balkany? Il n'en croyait pas ses yeux. Alpha Caste? Pourquoi tu portes les vêtements du maire de Levallois-Perret dans les Hauts-de-Seine? Je ne porte pas les vêtements du maire de Levallois-Perret dans les Hauts-de-Seine, Maman. Je porte mes propres vêtements. Maman n'en croyait pas ses oreilles, ce n'était pas croyable. Que voulait dire son ami qui a récemment streamé sur Fire Emblem? Patrick Balkany, le roi des roublards, lui aurait-il revendu à prix cassé ses costards hors de prix? Patrick Balkany, le roi des roublards, t'aurait-il revendu à prix cassé ses costards hors de prix? Non, Maman, je... Zerator posa sa main sur le maire de Levallois-Perret, ancien membre de l'équipe de France d'Overwatch. Laisse-moi lui dire. Non, je... dois le faire. Il se tourna vers le streamer espagnol à la voix d'ange et lui dit... Je suis... Patrick Balkany. Et moi, je suis italien.